Dehors l'orage. L'eau est incolore. Elle coule dans mes yeux, mes paupières. Toujours j'aperçois la clarté au travers. Paisible, je ne cherche plus à fuir. Elle peut me porter, emporter, m'engloutir.